BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit sur les ormes, m'a sauté dans mon char, m'a descendu à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, m'a descendu en enfer. M'a flobé ma paye, m'a allé vendre des bouteilles, m'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal, m'a viré sur le tapote, cadran, pote, capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front, à va dire enfin un bon gars. Abraço, ma ouais, les bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille, m'a payé mes billes, m'a va prendre l'anglais, m'a la prendre pour le vrai. Oh, sport, smart and blood. Ils vont m'aimer en Hérode, excellent citoyen, pas parfait, mais pas loin. M'ont mangé du poisson, m'en va faire du ski de fond, m'ont acheté des records de Michel Rivard, m'ont faire semblant que c'est intéressant. Quand ouais, les bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. C'était Richard Desjardins dans la chanson Le bon gars. On parlait du livre en dernier avec Yannick Marcille et ça me permet d'en profiter pour vous parler d'une revue, d'un magazine de rue que j'aime beaucoup. Chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je l'achète. C'est La Quête. Je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à le faire. Quand vous voyez quelqu'un qui vous tend La Quête, c'est un petit 3$ très bien placé, croyez-moi. Et il y a un article dans le numéro d'octobre, le numéro qui s'intitule « Les affaires à dimension humaine », ça tombe bien d'ailleurs avec la chronique qu'on vient d'avoir avec Yannick Marcille. Bon, il y a des sujets comme apprivoiser l'économie sociale des jardins, une banque, on en parlait tantôt, cultiver la différence, potager à partager. Et moi, je vais vous parler justement de l'article qui s'intitule « Cultiver la différence ». C'est une librairie assez particulière, ça s'appelle Écolivre. Bon, on dit que ça peut sembler un dynamique commerce de livres, de revues, de disques de seconde vie à première lieu. C'est un local lumineux, un classement impeccable. Les employés qui papillonnent dans tous les coins, en fait, on peut les comprendre. Un petit espace café qui incite à la pause lecture, etc. Ça fait 10 ans, donc, en 1914, en 2014, ça va faire 10 ans en 2014, que va avoir été fondée cette petite entreprise sociale à but non lucratif, hein. On parlait d'autogestion tantôt. C'est Pierre Auger, le directeur général, qui parle de cette entreprise, qui a été interviewée, justement, en lien avec Écolivre. Écolivre souhaite démocratiser la culture grâce à une politique de livres modiques. Pour 5$, tu peux avoir 4 livres de poche, alors que 5$, c'est le tiers d'un livre de poche neuf. D'ailleurs, Pierre Croteau, le chef d'orchestre de la valse des livres, de leur arrivée à la porte d'en arrière jusqu'à leur mise en tablette dans la boutique, affirme sans hésitation que les romans sont les meilleurs vendeurs. Par exemple, Le Code de Da Vinci, Le Parfum, vraiment magnifique, Le Parfum, Mange, Prix M. Bon, tous ces romans sont présents dans les rayons. Ils y restent pas bien longtemps, nous dit Monsieur Croteau, parce que évidemment les clients les achètent rapidement. Il y a même un système de demande en ligne. Ils ont des clients même jusqu'en Alberta. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, les librairies doivent trouver une façon de faire leurs frais, mais ils doivent aussi trouver une façon de s'ouvrir aux nouvelles réalités que sont qu'amène Internet, dont l'achat à distance. Et eux, ils ont décidé, oui, effectivement, on va s'y mettre et on va en faire nous aussi de l'emploi à distance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Écolivre, en collaboration avec Emploi Québec, offre un programme d'apprentissage en milieu de travail où certaines personnes apprennent le métier de libraire. C'est un projet pilote, nous dit Monsieur Auger. La première cohorte n'est pas encore diplômée. On est en formation présentement. Il est fier de ses employés comme il serait de sa propre progéniture. En fait, on sent vraiment qu'il y a comme une ambiance familiale dans cette

OK. Vous avez effectivement, je suis allée sur votre site Internet, puis vous avez de nombreuses réalisations à votre compte. On ne pourra pas nécessairement parler de toutes, mais effectivement, moi, ce qui a attiré d'abord mon attention, probablement mon passé en recherche, c'est celle, votre réalisation associée au concept de bibliothèque participative. Mm-hmm. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Donc, en lien avec cette mission-là de développer la circulation de l'information des connaissances, on fait des outils web, on fait aussi des espaces physiques. Donc, le premier espace qu'on a fait, dans une bibliothèque, à la bibliothèque de l'École de technologie supérieure de Montréal. Mm-hmm. Et c'est un projet qui s'appelle l'Espace 3C et qui est donc s'inscrit dans cette vision-là de la bibliothèque participative, c'est-à-dire une bibliothèque qui est centrée sur les personnes, les connaissances des personnes, les interactions entre les personnes, puis comment l'espace peut accommoder l'échange de connaissances entre les utilisateurs de la bibliothèque. À l'ETS, ce qu'on a fait, c'est carrément une pièce dans la bibliothèque où il y a un mobilier modulaire, il y a des grands panneaux blancs où on peut inscrire, il y a très peu de technologie, puis il y a des règles qui encouragent l'échange de connaissances entre les personnes par différentes activités. OK, c'est les utilisateurs de la bibliothèque qui peuvent décider qu'ils, ensemble, à 2, 3, 4 et plus peut-être, je ne sais trop, de mener à terme un projet et de profiter de cet espace-là. Exactement. C'est qu'on trouvait qu'il y avait une carence d'espace appropriable puis neutre en même temps, c'est cet équilibre-là. Mm-hmm. Même dans une université, il y a beaucoup de locaux, beaucoup d'espace, mais à peu près tout a une fonction très précise. Là, c'est un espace qui, effectivement, peut à la fois être pour du travail d'équipe, au plus simple, mais au plus compliqué. Je sais qu'il y a des débats étudiants qui se sont organisés là, des clubs de débats. Il y a eu différentes conférences, et puis l'espace peut s'adapter à ces différentes pratiques-là. OK. L'espace 3C est principalement réservé pour des étudiants. La bibliothèque est relativement ouverte au public, mais c'est certain qu'elle est au cœur de l'ETS, là, donc dans ce contexte-là. Mais la vision plus large, disons, que représente l'espace 3C, on travaille sur un réseau d'espace 3C, puis on aimerait ça qu'il y en ait dans plein de bibliothèques, puis que ça continue un réseau qui s'échange des pratiques sur c'est comment on fait comme ça pour encourager les utilisateurs de bibliothèques à interagir ensemble, à échanger les connaissances qu'ils possèdent. OK, donc des bibliothèques qui seraient pas seulement dans les établissements scolaires ou de formation, université, collège, etc., mais aussi des bibliothèques municipales. Oui, bibliothèques publiques, effectivement. Puis on voit même, en fait, on a beaucoup d'intérêt pour le concept d'espace public intérieur. Fait que c'est des lieux qui sont accessibles à tous, réappropriables. Fait que des espaces 3C, on en verrait aussi même à l'extérieur des bibliothèques. Mais les bibliothèques ont un terreau assez fertile pour ça, parce que c'est des lieux qui existent déjà et qui sont centrés sur les connaissances. OK. Dans cette perspective-là, quand vous parlez de coworking, le coworking, pour moi, c'était quelque chose qui ressemble à mettre des espaces disponibles à l'utilisation par des travailleurs autonomes. Est-ce que j'ai bien compris? C'est travailleurs autonomes, petites organisations. Le concept s'adapte à différentes échelles, je dirais, mais effectivement, dans la majorité des cas, c'est des travailleurs, souvent des travailleurs autonomes, qui, par eux-mêmes, pourraient pas avoir les moyens d'avoir un espace de travail. Puis, en fait, il y a le côté d'isolement aussi avec le travail autonome, parfois, qui se regroupe et qui loue un plus grand espace, installe des bureaux, puis il y a un côté de circulation. Ouais. Puis, nous, en fait, Espace-Temps, on est une petite équipe. Mais nos bureaux sont dans un coworking, puis ça amène énormément de dynamisme parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les différentes organisations puis les différents individus qui sont là. Donc, mais comment les gens, les travailleurs autonomes qui sont effectivement isolés d'une certaine façon, savent que ces espaces de coworking sont disponibles pour un projet sur lequel des gens peuvent travailler plus ou moins ensemble? C'est un concept qui est en développement un peu partout dans le monde, en fait. Oui. Dans le cas de Ecto, qui est une coopérative où on est présentement, il y a un travail de communication qui est fait par la coop en tant que telle, puis il y a aussi du bouche à oreille. Fait que souvent, c'est au début, il y avait une dizaine de travailleurs qui étaient là, puis de fil en aiguille, c'est devenu, je pense maintenant, plus d'une centaine de travailleurs qui utilisent à différentes échelles l'espace. Fait que je pense que ça vient d'un besoin qui est là. De côtoyer d'autres personnes, d'échanger des pratiques. Simplement, il y a beaucoup qui se passe autour de la nourriture aussi, le fait de dîner avec des gens. tout ça, en fait, crée une vie qui est propre au coworking, puis ça a un pouvoir attractif immense. Donc, les gens commencent à aller là, ils développent des liens, ils peuvent développer des projets. Et utiliser vos espaces de travail, de bibliothèque participative à l'occasion. Et peut-être que c'est là que votre mur mitoyen rentre en ligne de compte. Oui, il y a un lien, certain lien avec le mur mitoyen. Mm. Mur mitoyen, c'est... Oui, c'est quoi? Le mur mitoyen, pour nos auditeurs, je pense qu'ils n'ont pas nécessairement tous lu. Effectivement. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment c'est né, puis à quoi ça sert et à qui ça sert? Oui. Le mur mitoyen, c'est né en 2008, je pense. Au début, un tout petit projet qui partait d'un besoin assez simple, qui était de dire, qu'est-ce qui se passe autour de moi, en fait? Donc, c'est quoi l'activité événementielle? Initialement, bon, ça va être dans mon quartier à Montréal. Et puis, c'était du constat que c'est relativement difficile d'avoir un portrait d'ensemble sur ce qui se passe. Fait que certains secteurs, comme le secteur culturel, qui a énormément d'outils pour la promotion des événements. Mais il y a d'autres secteurs, comme les secteurs scientifiques, les organisations citoyennes, c'est un peu plus disparate, disons, les outils pour accéder à l'information. Fait que le mur mitoyen, c'était l'idée de faire un calendrier généraliste qui allait regrouper toute l'information événementielle puis la mettre côte à côte un peu pour aussi briser les silos en différents milieux, puis proposer un portrait d'ensemble sur neutre et généraliste sur toute l'activité du territoire. Et ça s'est développé graduellement jusqu'à aujourd'hui, où c'est un calendrier collaboratif aussi, donc c'est les utilisateurs qui font l'entrée d'information. Aujourd'hui, on a, je pense, 3000 groupes qui rentrent plus de 1500 événements par mois dans le calendrier. Et là, tranquillement, on est en train d'ouvrir le réseau à l'extérieur de Montréal aussi, à travers des calendriers thématiques et puis des calendriers régionaux pour d'autres régions. Fait qu'on ouvre la Montérégie au printemps 2014. Et puis, on a des projets thématiques pan-québécois aussi qui vont commencer bientôt. Fait que c'est un grand réseau d'informations événementielles qui s'adresse aux citoyens pour qu'ils soient plus en contact avec l'activité événementielle. C'est toi qui sont motivés à créer des événements aussi. Mm-hmm. Donc, par le biais du calendrier qui est le mur mitoyen, les groupes peuvent voir que dans un quartier pas très loin de chez eux, il y a un autre groupe qui pourrait avoir un apport intéressant sur un de leurs projets. Exactement. Et puis ça vient un peu de cette idée-là que la vie événementielle, c'est ce qui donne la couleur à un territoire, à une ville, à un village, etc. Et que pour être en contact, participer à ces événements-là, ça permet la rencontre en différents groupes, effectivement. Ça permet, ultimement, échanger des connaissances, échanger des pratiques aussi. Fait que c'est à Montréal, on a le club... on a différents clubs, on a des clubs de couture, on a des clubs d'astronomie qui organisent des événements. Vous me dites que dans vos 3000 groupes, il y a des clubs de couture, des clubs d'astronomie, ouais. Ça peut être aussi des groupes citoyens qui veulent s'exprimer sur, mettons, un changement, une construction ou un territoire démoli mais non reconstruit au cœur d'une ville ou au cœur d'un quartier? Oui, ben ça peut être tout type d'événement, en fait. Fait que si c'était mais nous, pour nous, l'important, c'est qu'il faut que ça soit un événement. Donc, c'est pas une nouvelle ou un communiqué. C'est vraiment, il faut que ça ait lieu dans l'espace puis dans un temps donné. Mais à partir de là, c'est neutre, notre approche là-dessus. Puis c'est catégorisé. Fait que c'est un événement, une manifestation ou un rassemblement ou un groupe de discussion ou une rencontre citoyenne, c'est possible d'entrer l'événement puis de catégoriser dans le mur. Puis il va se retrouver côte à côte avec les gros événements culturels et puis, puis une variété d'autres événements. On est toujours surpris de la variété qui se retrouve dans le mur mitoyen. OK. Donc, ça va ça couvre à peu près toutes les sphères de la société. Oui, c'est ça le grand rêve. Puis ça va plutôt bien à Montréal. Là, en ouvrant graduellement, il y a d'autres défis pour répondre aux besoins de d'autres territoires. En Montérégie, c'est des dynamiques un peu différentes. Mais on fait de la consultation, on fait des rencontres avec tous les acteurs de développement puis de concertation. Et puis on adapte notre outil pour que ça réponde mieux aux besoins. Je pense que votre groupe, Espace-Temps, vous êtes plusieurs à avoir une formation de bibliothécaire. Est-ce que je me trompe? Le fondateur d'Espace-Temps est effectivement un bibliothécaire. Oui, on gravite beaucoup dans ce milieu quand même. C'est un excellent point de vue parce que c'est aussi les sciences de l'information maintenant plus largement. Oui, tout à fait. C'est le souci de partager l'information. Ben, partager l'information, la catégoriser aussi dans une certaine mesure. Avec le mur mitoyen, il y a ce souci-là de la qualité de l'information, la qualité de la classification de l'information pour que ça soit plus facile de se retrouver par la suite. Ouais. OK. Alors, effectivement, on pense à la période dans laquelle on vit, des grands changements, il y a des besoins diversifiés d'informations de toutes sortes de gens. Mais donc, vous là, en tant qu'Espace-Temps, vous essayez de faciliter cet échange d'informations à partir de bibliothèques participatives, à partir d'espaces de coworking, à partir du mur mitoyen. Est-ce que je comprends bien vos objectifs? Oui, ça essentiellement, ça ressemble à ça. Là. Nos trois axes de travail, c'est les espaces. Oui. Principalement à travers le concept de bibliothèque participative puis les espaces 3C, le développement d'outils numériques comme le mur mitoyen qui est centré sur l'échange d'informations événementielles, puis aussi on a quand même des pratiques de concertation puis d'animation. Fait qu'à travers tout ça, au-delà du développement technologique, c'est beaucoup du travail de concertation, de consultation, de rassembler différents acteurs autour d'une table, puis dans le cas du mur mitoyen, amené à développer des outils collectifs pour rassembler l'information événementielle. OK. Quand vous parlez de pratiques de concertation, est-ce que vous pensez à quelque chose comme votre activité ou action qui s'appelait Utile, qui était, si je ne m'abuse, un atelier de design participatif sur le logement étudiant? Oui. Comment l'idée est venue, puis comment ça s'est organisé? Je ne sais pas exactement comment la rencontre s'est faite avec les gens d'Utile, mais une organisation vraiment fascinante qui travaille sur la question du logement étudiant. Et eux, c'est des urbanistes, des designers, des architectes. Et puis, ils sont venus vers nous assez naturellement autour de ces pratiques-là de concertation. Puis, on a organisé avec eux effectivement un atelier de design collaboratif dans le milieu de l'architecture. Ils appellent ça des charrettes de design. Et donc, on les a accompagnés là-dedans sur le processus de consultation, puis les livrables par la suite. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le retour qu'ils ont donné? Comment ça a été reçu, cette idée? Puis comment, c'est quoi les résultats? Les résultats, ça a été, dans le cas du type de cette journée-là de co-design, ça a été énormément d'idées, de dessins, de maquettes qui ont été faites par les gens qui avaient été rejoints. Fait que la séance de design rejoignait architecte, designer, gestionnaire qui est amené à faire du brassage d'idées puis carrément de la conception concrète de leur espace de logement étudiant idéal. Ça a donné un super document qui est sur le site de Utile, qui est le retour sur ces différentes idées-là. Et le Utile, de leur côté, sont toujours en démarchage pour créer cet espace-là. OK, pour concrétiser finalement des résidences étudiantes. Exact. OK. Donc, vous avez, grosso modo, il y a cet angle qui est intéressant aussi de mettre des acteurs ensemble pour faire qu'il y ait des produits entre guillemets ou des idées qui viennent au monde. Exactement. Puis c'est nous on va rassembler différents acteurs autour d'une table, faire différents processus de consultation, un peu comme ce qu'on fait en Montérégie présentement. Mm-hmm. Et oui, c'est puis ultimement nous on essaie d'amener des propositions concrètes après d'outils très concrets comme le même citoyen, mais dans d'autres cas on a d'autres projets autour de l'information de contact aussi des organisations. On a eu d'autres projets sur justement des un réseau de, on appelait ça projet, là, c'est de l'information sur les différents projets qui sont en incubation à Montréal. Fait qu'on a plein de trucs en veille un peu, on focus sur certains de nos projets, mais on a ce désir là de créer des outils qui vont faciliter l'échange d'informations entre les citoyens, les organisations, les institutions. Le mur mitoyen en fait on peut se demander là, moi je me demande comment mm-hmm. le mur mitoyen a été reçu à Manille lors de la cinquième rencontre du réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire. Très bien. En fait, c'était une participation assez exceptionnelle pour nous là, d'aller aux Philippines à Manille en pleine saison des typhons. qui était assez calme finalement. Oui, vous avez échappé au typhon le plus gros. Oui, ça c'était terrible. Mais donc, dans le cadre du RIPES, là, des rencontres internationales, on a présenté dans un panel sur les jeunes initiatives, côte à côte avec d'autres organisations québécoises, françaises, des gens, quelqu'un de Corée du Sud aussi. Puis c'est un peu pour inspirer les jeunes sur ce qui est possible de faire en économie sociale, qui détonne un peu peut-être de ce que traditionnellement on est amené à voir en économie sociale ou à penser qu'il est possible de faire avec un OBNL, avec une coop, etc. Puis c'était fort stimulant, puis ça a été très bien reçu. OK. En fait, pour moi, je trouvais ça intéressant, votre organisation, parce que je pense que ça peut mettre ensemble des acteurs pour faire naître des nouvelles idées, des nouveaux projets. Est-ce que je vais trop loin? Ah, ben c'est ça qu'on souhaite. C'est ça qu'on souhaite. Bien humblement, là, un projet à la fois. Mais c'est ça qu'on veut faire, là, en développer. Idéalement, faire grandir le mur pour que ce soit un outil qui serve à l'échelle du Québec. Puis qu'on fasse ça en concertation, qu'on fasse ça en collaboration avec tout le monde, idéalement. Et puis oui, à travers ça aussi, il y a d'autres idées qui émergent, parce qu'une fois qu'on partage juste l'information événementielle, ce qui a l'air assez simple à prime abord, il y a d'autres besoins qui émergent à travers ça. Puis nous, soit qu'on relève vers d'autres organisations dont c'est le mandat, soit qu'on ouvre des nouveaux chantiers puis des nouveaux projets. Ouais. D'accord. Je me suis aperçu que vous allez, en tant qu'espace-temps, vous allez recevoir un prix lors des rencontres du Mont-Blanc. Ouais. Ce qui est supposé être comme un peu le Davos de l'économie sociale. Ouais. Est-ce que pouvez nous expliquer pourquoi et qui est réuni dans cette partie de la France? Mm-hmm. Oui, je pense que la 6e édition des rencontres du Mont-Blanc. On avait gagné le prix pour un projet de développement du monde citoyen en France. Et là, on est allé notamment pour recevoir le prix, mais aussi pour participer à l'événement. Fait que le Davos, c'est cette grande rencontre là, des leaders économiques à travers le monde dans une perspective plus traditionnelle de l'économie, disons. L'économie financiarisée, là. Et voilà. Et donc, le Davos de l'économie sociale, c'est un peu un pied de nez à cette mm-hmm. rencontre-là, qui est aussi en Suisse, en fait. Là, c'est à Chamonix, qui est un territoire qui est très près de la France aussi. Mm-hmm. Et donc, ça rejoint plusieurs leaders en économie sociale qui discutent d'enjeux stratégiques, notamment au niveau des politiques de reconnaissance en économie sociale. On vient juste d'en avoir une qui a été... adopté au Québec. Là, oui, le projet, la loi cadre. Et ben, effectivement, ça, c'est une grande victoire du mouvement de l'économie sociale, mais un peu comme le RIPES, en fait, là, c'est des rencontres qui sont quand même parentes, puis qui permettent comme ça de voir les meilleures pratiques à travers le monde, puis comment on peut se concerter malgré les différences qu'il peut y avoir entre différents pays sur la façon de concevoir l'économie sociale. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire avancer cette façon-là de voir l'économie puis l'entrepreneuriat à travers le monde. Mm-hmm. Ça devait être drôlement intéressant, effectivement, de voir tout ce monde-là différent qui viennent de d'autres pays, et ça peut être à l'origine de liens ou d'échanges d'informations pour accélérer vos nouveaux projets. Effectivement, c'est fascinant. Bon, alors, est-ce que j'ai bien compris vos objectifs aussi quand je pense que vous allez vouloir migrer d'une région à l'autre pour intégrer tout ce monde-là, toutes les régions finalement, pour assurer un développement de projets dont certains pourraient s'avérer innovateurs? Mm-hmm, mm-hmm. Oui, avec le je reviens encore au mur mitoyen, mais plus qu'avec le mur mitoyen. Mais oui, qui est un outil qui commence la chaîne. Effectivement. C'est un outil qui permet d'avoir on pense que si on a un portrait de ce qui se passe, simplement au niveau de l'activité événementielle, ça aide à enclencher d'autres actions. Ça aide à avoir des idées aussi. Effectivement. Ben, écoutez, je pense que, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'on a discuté. Non, moi c'est parfait. En fait, j'invite les gens à aller découvrir le mur mitoyen à murmitoyen.com et puis à rentrer en contact avec nous autres. Ça fait toujours plaisir, si on a des idées de projet surtout. Ça fait toujours plaisir de parler de ce qu'on fait et des idées des autres. D'accord. Ben merci beaucoup, M. Roux. Ça a été fort intéressant. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, c'était très intéressant, effectivement. Je connaissais le mur mitoyen pour être allé le visiter. C'est une belle initiative, mais je savais pas que ça se situait dans le cadre d'une initiative plus globale. C'est vraiment bien comme... Oui, c'est divers. Ouais, quand c'est ça, on pense aux espaces 3C, ouais, aux bibliothèques participatives, aux c'est exactement le genre d'initiatives qui peuvent contribuer à changer le monde. Tiens. Tout à fait. On va écouter Maître Corbeau de la rue Quétanou. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Le micro est ouvert, on a que ça. Des mots et la croix est populaire. Une cogite, un stylo, un cahier. La chipa qu'on est hal, pareil pour employer. Car trop de paroles et trop d'années. Et encore rien n'a changé, peut-être ne changeront-elles jamais. Cette façon-là que les gens ont de penser, de vouloir à tout prix, de vouloir tout gagner. Mais qui dit gagnant, dit perdant. La rage dedans, on ne vous l'apprend pas. La compétition est pour nous un problème déjà trop propagé. On n'a qu'à nous ne résonnerons de cette façon-là. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Mais le corbeau radin n'a rien donné, rien lâché. Et le renard la faim au ventre lui a arraché. Oh, trêve de volage. Passons aux choses humaines, car j'ai de la peine de voir la petite sur son trottoir, la crassonner dans les rues de Tanger. Alors que juste en face, dans un resto, le touriste joue l'ignorant, gavé d'argent, bien au chaud. Sur cette partie du continent, quand cesserons-nous de nous plaindre et quand cesserons-nous de jeûner pour des billets. L'homme n'est pas fait pour travailler, on le crie sur un micro. Une écoute dans une société qui pousse à moderniser. Et quand l'outil sera bien électroniqué, l'outil sera bon à jeter. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. J'ai le droit d'être quelqu'un sans travail, je ne suis rien. Oh, ce ne sont là que des ragots. Poussé par l'être humain dans une facilité pour se raccrocher à des bouées, à leurs bouées, qui très vite vont se transformer en des menottes, en des clapiers. Enfermer les esprits un peu trop libérés. 10 ans comme employé chez Renault, et aujourd'hui ils vendent des fleurs dans le métro. Comment peut-il récompenser ce qu'il gagnait, des gestes imprégnés, tourner, coller, repasser toute sa vie. Il a bossé dans une entreprise de merde, avec un boulot de merde, où la philosophie travaille plus vite que tes voisins et tu seras en haut demain, mais bien loin, et le sommet des échelles, et seuls quelques corbeaux peuvent encore y accéder. C'est pour cela qu'encore une fois on pose notre doigt sur ce détail-là à haute voix. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Allez, allez, viens, on va Ah, c'est sûr que Maître Renard par l'odeur alléchée lui aurait rendu cet hommage. C'était Maître Corbeau, rue Quétanou, réinterprétation pour le moins originale de la fable de La Fontaine, le renard, Corbeau et le renard. N'empêche que si on était tous et toutes en mode partage, le monde s'en porterait beaucoup mieux. À surveiller cette semaine grâce au calendrier média de la démocratie en action, et la démocratie, c'est vous. Ça, c'est produit par le réseau du Forum social de Québec, Chaudière-Appalaches, www.réseauforum, en un seul mot, réseauforum.org, /grille-union. Trait d'union, pardon, calendrier. Et j'en profite, là, je vais ouvrir une parenthèse, j'en profite pour vous signaler qu'il faudrait bien, encourager la démocratie, c'est vous. Et là, je réalise que, je vais vous inviter à aller voir le calendrier La démocratie, c'est vous, parce que il ne nous reste plus, à vrai dire, il ne reste plus de temps, donc je vais céder la place à l'émission qui suit, la revanche des JIC sur les ondes de la radio CKRL, CKRL.qc.ca, et moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Au revoir. Téléchargez Le Grain de sable sur CKRL.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.